L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles que nous appelons étoiles de population 3 sont les premières étoiles qui ont été produites dans l'univers. Les étoiles primordiales qui se sont formées dans les galaxies naissantes il y a environ 13,3 milliards d'années. Si elles n'étaient pas trop massives à leur apparition, ces étoiles de population 3 devraient encore exister aujourd'hui, dans notre galaxie. Mais on ne les trouve pas, à moins qu'elles ne se cachent subtilement à nos télescopes. Des simulations cosmologiques de la formation des étoiles de population 3 ont montré que la masse de ces étoiles pouvait s'étendre depuis des valeurs très grandes, plusieurs centaines de masses solaires, jusqu'à des masses inférieures à celles du Soleil, typiquement 0,8 masses solaires. Alors que les étoiles très massives ont une durée de vie très courte et finissent par exploser et fournir de la matière à la génération suivante d'étoiles, dites de population 2, celles qui avaient une masse de l'ordre de 0,8 masses solaires doivent avoir survécu plus de 13 milliards d'années et se retrouver aujourd'hui sous la forme d'étoiles de la séquence principale ou de géantes rouges. La particularité de ces étoiles de première génération est qu'elles ne doivent pas contenir d'éléments chimiques plus évolués que l'hydrogène et l'hélium. Elles ne doivent pas comporter ni d'oxygène, ni de carbone, ni d'autres éléments plus lourds, ce que les astronomes appellent des métaux. La recherche de telles étoiles dans notre galaxie passe donc par la recherche d'étoiles montrant une absence de métaux. Or, on n'en trouve pas, alors qu'elles devraient être là. Et le milieu interstellaire, le milieu qui sépare les étoiles au sein d'une galaxie, se trouve pouvoir être riche en métaux. Et on sait que les étoiles peuvent absorber une partie de ces gaz interstellaires par le phénomène d'accrétion. Un physicien américain du Los Alamos National Laboratory vient de publier une étude dans laquelle il montre que les étoiles de faible masse peuvent absorber de la matière du milieu interstellaire en sélectionnant la matière absorbée, préférant le gaz et rejetant les grains de poussière. Cette sélection, ou cette ségrégation, a lieu à cause de la pression de radiation exercée par l'étoile qui a pour effet de repousser les grains de poussière sans pouvoir le faire sur les molécules de gaz. Jarrett Johnson s'est donc intéressé au cas des étoiles de population 3 manquantes et a simulé ce à quoi elles ressembleraient en produisant ce phénomène d'accrétion de matière différentielle. La signature qu'il obtient pour ces étoiles, du fait de la forte absence de fer qui est principalement contenu dans les grains de poussière non absorbés, est une population d'étoiles enrichie en carbone et autres éléments légers, qui eux viennent du gaz accrété, mais pauvres en fer. Or, des étoiles avec cette signature chimique existent bel et bien dans notre galaxie. Elles sont appelées des étoiles CEMP, Carbon Enhanced Metal Poor. Et elles ont une origine qui reste pour le moment énigmatique. Jarrett Johnson émet alors l'hypothèse simple que ces étoiles CEMP pourraient en fait être les étoiles de population 3 tant recherchées, mais elles seraient polluées chimiquement par l'accrétion différentielle du milieu interstellaire. Et on ne les aurait donc tout bonnement pas reconnues. Johnson conclut son étude avec beaucoup d'humilité en précisant que les étoiles CEMP pourraient avoir d'autres origines par d'autres processus physiques et que les étoiles de population 3 pourraient aussi ne pas produire d'accrétion du tout si elles projettent un vent solaire suffisant pour repousser la matière environnante, ce que font d'ailleurs de nombreuses étoiles de faible masse. Mais dans ce cas, on devrait les trouver facilement, ce qui n'est pas le cas. Alors, son hypothèse apparaît être tout sauf saugrenue. Les premières étoiles de l'univers sont peut-être là, tout près de nous. L'article de Jared Dunson est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, numéro 453, avec pour titre « The Chemical Signature of Surviving Population 3 Stars in the Milky Way », qu'on peut traduire par « La signature chimique des étoiles de population 3 survivantes dans la Voie lactée ». A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr ainsi que sur les plateformes de podcast PodCloud et iTunes sur lesquelles vous pouvez télécharger ce podcast et l'emmener partout avec vous. Et n'oubliez pas également que Ça se passe là-haut est candidat pour les Golden Blog Awards et que ce sont les internautes qui votent dans la phase de présélection pour leurs meilleurs blogs. Ça se passe là-haut donc et se retrouve dans la catégorie Science Recherche. Vous pouvez voter tous les jours pour Ça se passe là-haut. Rendez-vous sur le site en haut à gauche. Cliquez sur la bannière et je vous remercie chaleureusement de votre soutien. Oui, merci beaucoup. Avec un peu de chance, Ça se passe là-haut sera à nouveau, comme les deux dernières années, sélectionné dans les 10 meilleurs candidats. Et qui sait, hein, la suite. Allez, à très bientôt, et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !